tu as du talent. Ta vie ce sera les planches, tu peux y aller, tu as carte blanche. Alors moi j'ai cru ce que disait ma mère, les voisins, les cousins et les copains de mon père. Je suis allé chercher les faubourgs, les sentiers de ce métier qui me faisait rêver. J'ai fait des tas de petits métiers pour arriver à subsister. Je me disais d'autres y sont passés, un jour la gloire est arrivée. Mais j'ai tout essayé, les concours, les crochets, auditionné dans tous les cabarets. Je dois me résigner, pas un contrat signé. Ce soir je n'ai plus le droit de rêver. Je n'ai jamais fait rire personne, je t'ai jamais fait pleurer non plus. Il y a des batailles qui détonnent, des guerres qui n'intéressent plus. Je n'ai jamais fait rire personne, et je n'ai jamais entendu ces mots qui dans le cœur les a. Monsieur, vous m'avez ému. C'est dur de se dire qu'on s'est trompé de piste, qu'on n'est pas un artiste. On me disait faut des relations, alors j'ai vu des tas de gens. On me disait si t'as pas de pognon, mais je crois très honnêtement qu'il me faut voir ailleurs, chercher une autre route, avant que ma vie ne soit en déroute. Et pourtant comme j'aimais ces stars qui défilaient, qui par mon prénom déjà m'appelaient. Je n'ai jamais fait rire personne, je n'ai jamais fait pleurer non plus. Il y a des batailles qui détonnent, des guerres qui n'intéressent plus. Je n'ai jamais fait rire personne, et je n'ai jamais entendu ces mots qui dans le cœur résonnent. Monsieur, vous m'avez ému. C'est dur de se dire qu'on s'est trompé de piste, qu'on n'est pas un artiste. Je n'ai jamais fait rire personne, je n'ai jamais fait pleurer non plus. Il y a des batailles qui détonnent, des guerres qui n'intéressent plus. Je n'ai jamais fait rire personne, et je n'ai jamais entendu ces mots qui dans le cœur les a. Un artiste, c'est dur de se dire qu'on s'est trompé de piste, mais c'est quoi un artiste?